ni afola na mabe. Oza nzambe ndalobi. Nelongwa karete. Alléluia. Je suis un signe et un présage pour mon temps. Alléluia. Matako mona ya sonza basali.